Bien sûr, je pourrais penser au lendemain, dessiner une route, même à partir de rien, prendre un cœur alibi, mettre un costume de vie. Et je pourrais aussi m'acheter un avenir, des projets en éteint que je ferais reluire. J'aurais un air argent, un rire papier monnaie. Toujours prête à pointer. Comme les mois de l'année, mettre un fuseau horaire sur toutes mes manières. Et je pourrais alors prendre l'assurance joie des bonheurs garantis qu'on paye à crédit. J'aurais l'air frigidaire des caresses télé. Et des amours congés. Bien sûr, je le pourrais, mais je n'en ferai rien. Et j'aventure ma ou j'aventure bien. People.